Chapitre 15. La bienvenue. Les bras articulés s'activaient comme des tentacules autour du fauteuil directorial. Ils triaient sans fin les papiers de la bonne famille et leur mouvement perpétuel rendait plus frappante encore l'immobilité d'Hélène derrière l'imposant bureau de marbre. La géante fixait le dossier qu'elle tenait entre ses longs doigts arachnéens. Ophélie avait l'impression d'attendre son verdict depuis une éternité. Elle reporta son attention sur la lampe de bureau qui diffusait une lumière hésitante. Elle avait vissé et dévissé tellement d'ampoules pendant la corvée prématinale qu'elle devait lutter contre le réflexe de changer celle-ci. La voix caverneuse d'Hélène la fit tressaillir. « À en croire le rapport de Lady Septima, vous avez consenti à faire quelques efforts durant vos 3 semaines de probation. » Ophélie retint les mots qui lui montaient à la bouche. Elle n'aurait pas qualifié de « quelques efforts » 200 heures de leçons radiophoniques et de lectures appliquées, sans même parler des corvées, mais soit. « J'ai fait de mon mieux, madame. » Hélène leva son nez éléphantesque de son dossier. Au milieu du balai mécanique de son fauteuil, elle évoquait l'une de ces antiques déesses à plusieurs bras, moitié femme, moitié monstre, dont on retrouvait encore des sculptures sur les murs les plus anciens de Babel. « Faire de votre mieux suffit-il ? Lady Septima n'est pas bouleversée non plus par vos expertises. Vous vous égarez dans la subjectivité qui imprègne les objets, mais l'histoire est une science qui exige de la rigueur. Nous ne pratiquons pas le flou artistique ici, il nous faut du contexte. Vous avez montré des signes de progrès, je l'ai lu dans votre dossier toutefois. Un virtuose ne doit pas être bon dans son domaine, il doit être excellent. » La bouche d'Hélène se fendit d'une grimace aussi large et aussi dentue que celle d'un poisson des abysses. « Calmez-vous, jeune dame. Vos pulsations cardiaques me heurtent les oreilles. »« Je deviendrai excellente, » promit Ophélie, qui était tout à fait incapable de se calmer. « J'ai 2 questions pour vous, apprenti. Voici la première. Qu'avez-vous appris durant ces 3 semaines de probation ?» Ophélie dut admettre qu'elle s'était attendue à quelque chose d'un peu plus concret. Elle construisit dans sa tête toutes sortes de jolies phrases à la recherche de celle qui plairait le mieux, mais Hélène l'interrompit d'un ton abrupt. « Ne réfléchissez pas. Répondez-moi maintenant en toute sincérité, avec le moins de mots possible. Qu'avez-vous appris ?»« Que je ne sais rien. » La déclaration avait presque jailli des poumons d'Ophélie. Ce n'était pas précisément ce qu'elle avait prévu, mais Hélène ne lui laissa pas le loisir de développer sa pensée et enchaîna avec sa seconde question. « Pourquoi voulez-vous devenir avant-coureuse ?»« J'ai pensé... Pourquoi ?» La voix d'Hélène s'était faite plus sépulcrale que jamais. « Pour mettre mes mains au service de la vérité. »« Au service de la vérité, » répéta Hélène. N'aurait-il pas été de bon ton de dire « au service de la cité » ? Ophélie s'accorda un instant de réflexion, comprenant qu'une chance lui était laissée de revenir sur ses mots, puis elle décida d'écouter son instinct. Hélène n'était pas Pollux. Hélène n'était pas le pantin de Lady Septima et des lords de luxe. Hélène réfléchissait par elle-même et prenait ses propres décisions. « Vous avez demandé une réponse sincère. » Hélène dirigea alors son appareil optique sur Elisabeth au garde-à-vous près de la porte, si silencieuse qu'Ophélie avait oublié sa présence. « Rappelez-moi qui vous êtes. » « La responsable de la première division des avant-coureurs, Milady. Je coordonne les groupes de lecture. » Ophélie ne put retenir un coup d'œil étonné vers Elisabeth. Depuis 3 semaines qu'elle la côtoyait, c'était la première fois qu'elle surprenait une perturbation dans sa voix. En apparence, c'était pourtant toujours la même figure inexpressive, maladivement pâle, sous les taches de rousseur, avec des paupières lourdes de somnambule. « Cela, je le sais déjà, » fit observer Hélène. « Pourquoi assisteriez-vous à cet entretien, sinon ? Ce que je veux connaître, c'est votre nom. »« Elisabeth. » Ces 4 syllabes, articulées avec raideur, confortèrent Ophélie dans son impression. C'était presque un appel de détresse. Hélène tapa sur les touches à piston d'un clavier. Un bras mécanique se déploya aussitôt dans un mouvement télescopique pour ouvrir l'abattant d'un secrétaire au fond de la pièce. Ophélie eut la surprise d'y découvrir un gigantesque livre avec des pages épaisses comme de la peau. Non pas un livre. Un livre, avec une majuscule, le livre d'Hélène. Le bras mécanique ne s'intéressa pas à lui, il ouvrit l'un des nombreux casiers du secrétaire et en sortit un registre qu'il posa sur le bureau. « Une bonne organisation pour une mauvaise mémoire !» commenta Hélène, non sans ironie, tandis qu'elle feuilletait le registre. « Élisabeth, Élisabeth, Élisabeth !»« Ah oui, vous êtes là sans pouvoir. Votre virtuosité, ce sont les bases de données. Tiens, c'est à vous que je dois mon système de consultation personnelle. Oui, il me semble que je me rappelle à présent, » déclara-t-elle en refermant le registre. « Je pense pouvoir me fier à votre jugement. Pensez-vous que l'apprenti ici présente soit digne d'intérêt pour les groupes de lecture ?» Le silence qui s'ensuivit mit Ophélie mal à l'aise. Si son acceptation à la bonne famille dépendait de l'opinion d'Élisabeth, cela s'annonçait mal. La responsable de division ne levait pas assez souvent le nez de ses algorithmes pour connaître les apprentis dont elle avait la charge. Sa dévotion pour la cité et le mémorial la rendait aveugle au reste du monde. Du moins, c'était ainsi qu'Ophélie l'apercevait. Aussi fut-elle très étonnée de l'entendre répondre « Je la pense digne d'intérêt tout court, milady. » Hélène tapota pensivement le marbre du bureau de son ongle. Une fois, rien qu'une fois, Ophélie aurait voulu croiser son regard, mais elle savait cela impossible. Sans son appareil de correction, cet esprit de famille ne voyait des gens qu'une galaxie d'atomes. De la même façon que la porte à air comprimé de la pièce l'empêchait d'entendre les murmures, les éternuements, les gargouillis des élèves de son conservatoire. Dans un retentissant craquement de cuir, Hélène se pencha sur son fauteuil et son énorme poitrine suivit le mouvement. Ses doigts, à la longueur disproportionnée, déposèrent un écrin devant Ophélie. « Bienvenue à la bonne famille. Fermez bien la porte en partant, vous deux. Vos battements de cœur sont étourdissants. » L'instant d'après, Ophélie descendait l'escalier du service administratif à la suite d'Élisabeth, son écrin serré contre elle. Elle était partagée entre le soulagement et l'incrédulité. « Ce que vous avez dit à Lady Hélène, vous le pensiez vraiment ?» Élisabeth s'immobilisa au milieu des marches, la main mollement appuyée sur la rampe. « Bien sûr que non. Tu as désormais une dette envers moi, et je compte bien en profiter. » Le temps d'un silence inconfortable, seuls se firent entendre les dactylographes des services administratifs aussi rapides et aussi bruyants que des machines à coudre. Élisabeth y mit un terme en levant vers Ophélie ses yeux mi-clos. « Je plaisante. Évidemment que je le pensais. Tu n'entendras personne te le dire ici, mais tu es plutôt douée avec tes mains, en tant que liseuse du moins. » De fait, Ophélie avait malencontreusement fait tomber son écrin qui dégringola les marches de marbre. Élisabeth le ramassa, l'ouvrit et en sortit deux petites ailes d'argent. Sans un mot, elle s'agenouilla aux pieds d'Ophélie pour les épingler à ses bottes. Sa figure avait conservé son impassibilité, mais ses gestes s'étaient faits attentionnés, presque maternels. « Tu es des nôtres, apprenti Eulalie. » Ophélie se sentit plus touchée par ces mots qu'elle ne se serait attendue à l'être. « Élisabeth, Lady Hélène ne voulait pas vous blesser. Sa mémoire... » Ophélie retint de justesse la fin de sa phrase. Sa mémoire lui a été arrachée par Dieu, en même temps qu'une page de son livre. Elle ne pouvait raisonnablement pas révéler une telle information à une avant-coureuse. Cela aurait été dangereux pour l'une comme pour l'autre. « Elle n'a pas délibérément oublié votre nom ?» dit-elle à la place. Je le sais. Élisabeth avait soupiré ces mots. Assise au milieu de l'escalier, elle enroula ses bras autour de ses genoux. Son visage ne laissait transparaître aucune émotion, mais son corps affaissé, dont l'absence de relief était soulignée par la lumière des vitrages, trahissait la mélancolie dont elle était emplie. Je le sais, répéta-t-elle à voix basse, comme pour elle-même. Ainsi sont faits les esprits de famille. La vérité est qu'avant d'arriver ici, j'étais complètement perdue. Une fillette, sans pouvoir et sans objectif. Lady Hélène m'a offert un toit, une famille, un avenir. Elle signifie tellement pour moi, alors que moi je ne signifie rien pour elle. Ce n'est pas sa faute. Elle est condamnée à tout oublier tout le temps. C'est pour cette raison que le mémorial est si important. Le gong du soir sonna, et comme mue par des ressorts d'horlogerie, les jambes d'Élisabeth se déplièrent pour la remettre debout. « Je dois me rendre sans tarder au secrétarium du mémorial. Sir Henry m'y attend, et pour lui, l'heure, c'est l'heure. »« Je le rencontrerai bientôt. En tant que nouvel élément des groupes de lecture, j'aimerais me présenter à lui en bonne et due forme. » Ce qu'Ophélie voulait surtout, c'était un prétexte pour entrer dans le secrétarium, mais Élisabeth secoua la tête. « Te présenter à l'automate ? Crois-moi, il n'a rien d'une attraction touristique. » Et il se contrefiche de savoir qui travaille pour lui. Malgré tout le respect que je lui dois, c'est seulement un assemblage de calculs, d'analyses et d'acier. Il faut cependant reconnaître qu'il a révolutionné le catalogue du mémorial. Nous vivons dans le meilleur des mondes. » déclara-t-elle soudain en se mettant solennellement au garde-à-vous. « Veillons ensemble à le rendre meilleur encore. Apprenti Eulalie. » Élisabeth serra brièvement la main d'Ophélie et s'en fut sans lui laisser le temps de réagir. Ce n'était pas plus mal au fond. Elle n'aurait probablement pas beaucoup apprécié son opinion. Ce fut une fois seule dans l'escalier qu'Ophélie réalisa soudain qu'elle avait réussi. Elle était devenue apprentie virtuose. Elle quitta le bâtiment administratif et s'élança entre les colonnes du promenoir, poussée en avant par le vent brûlant du soir. Son allure était si déterminée que les singes détalèrent sur son passage. Les ailes d'argent fixées à ses bottes produisaient une sonorité métallique qui rythmait ses foulées. Chaque pas en avant était un pas vers Dieu, un pas vers Thorne. « Bravo !» La voix hautaine amena Ophélie à ralentir puis à reculer. Elle était passée devant Octavio sans le remarquer. Adossé contre une colonne au milieu des lianes, il se mélangeait aux ombres que soufflait le soleil couchant à travers la galerie. Seuls ses yeux rougeoyants indiquaient sa présence. « Merci, » dit prudemment Ophélie. Il était inhabituel de le voir seul. Il y avait toujours un essaim d'apprentis dans son sillage, prêt à applaudir chacune de ses performances, comme si les rivalités estudiantines ne le concernaient en rien. C'était évidemment Lady Septima qu'on flattait à travers lui. Même les pavillons acoustiques de la galerie se taisaient en sa présence. S'il avait été quelqu'un d'autre, la voix d'un surveillant l'aurait vite invité à regagner les quartiers des fils de Pollux. « Ces gants sont-ils à ta convenance ? » demanda-t-il. Ophélie ouvrit et referma plusieurs fois ses mains, assouplissant le cuir neuf qui les enveloppait. « Ils m'ont été livrés aujourd'hui. Je vais pouvoir poursuivre mon apprentissage dans de bonnes conditions. » « Je t'en suis redevable. » Elle avait délibérément appuyé sur le tutoiement. Le temps des « vous » était révolu. Elle se considérait désormais comme l'égale des autres apprentis de sa compagnie. Que celui-ci fût le fils de Lady Septima ne faisait aucune différence pour elle. Octavio s'arracha à l'ombre de la colonne. Les rayons obliques du soleil illuminèrent le bronze de sa peau, l'argent de son uniforme et l'or de sa chaîne sourcilière, tandis qu'il s'avançait à travers la galerie. Cette lumière-là était pourtant bien pâle en comparaison de l'incandescence de son regard. « Plus que tu ne le crois, apprenti Eulalie. Ta visite chez le professeur Wolfe a-t-elle été édifiante ?» La question fit l'effet d'une flèche empoisonnée à Ophélie. Quelle naïve elle avait été! Ce n'était pas pour une simple histoire de gants qu'Octavio avait provoqué cette rencontre. « Bien joué !» murmura-t-elle. « J'ai réellement cru que tu m'avais aidé par souci d'équité. »« Oh, mais je l'ai fait! Ce qui est arrivé au professeur pourrait arriver à d'autres. J'ai estimé équitable que tu en sois informé. » Ophélie se contracta davantage. Depuis le début, il planait entre eux une méfiance réciproque, aussi informe et aussi silencieuse qu'un brouillard. À cet instant, plus que jamais, elle se demanda dans quelle mesure Octavio n'était pas plus complice de Dieu que ne l'était sa mère. « Ce qui lui est arrivé ? » feignit-elle de s'étonner. « Tu fais allusion à son accident ? » Elle savait que la cause du traumatisme du professeur Wolfe n'avait rien d'accidentel, mais l'admettre reviendrait à avouer qu'elle avait fouiné dans sa vie privée et c'était précisément le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Octavio la scruta avec une attention à la fois soutenue et distante, de la même façon qu'il soumettait les échantillons du laboratoire à l'épreuve de son regard. La dilatation des pupilles, la durée des contacts visuels, la fréquence des battements de cils, chuchota-t-il. Nos yeux en disent plus long sur nous que n'importe quel discours, et les tiens, apprenti Eulalie, me disent que tu mens. Tu mens tout le temps et à tout le monde, même ce geste, ajouta Octavio en voyant Ophélie redresser nerveusement ses lunettes, m'apporte beaucoup d'informations sur ton compte. Ma mère ne voit en toi qu'une bleue maladroite qui finira tôt ou tard par se décourager. Je sais, moi, que rien ne t'arrêtera parce que tu es ici, pour une raison précise. Une raison personnelle sans aucun rapport avec l'intérêt de la cité. L'espace d'un long silence, la galerie fut envahie par la clameur crépusculaire des oiseaux. Ophélie sentit un insecte se poser sur sa joue, mais elle n'esquissa pas un geste pour le chasser, de peur de se trahir davantage. « Pourquoi m'avoir permis de rester à la bonne famille, si tu m'estimes indigne d'y être ?» La peau d'Octavio se creusa aux commissures de ses lèvres. « Pour mieux te garder à l'œil. » Il tourna les talons, ses ailes d'avant-coureur accrochant le dernier rayon de soleil au moment où celui-ci disparaissait derrière la jungle. Le soir tomba brutalement, épais et moite. « Il ne sait rien, » se répéta Ophélie en voyant l'ombre du garçon se perdre dans l'obscurité du promenoir. Il ne connaît ni mon véritable nom, ni mes véritables motivations. Il a des soupçons, mais il ne sait rien. « Apprenti Eulalie, veuillez réintégrer votre division !» ordonnèrent les pavillons de la galerie. Elle se tourna vers l'une des tours de guet qui jalonnaient les jardins. Des jumelles y scintillaient, pareilles à des prunelles de chat dans le noir. À présent qu'Octavio était parti, le surveillant de garde avait miraculeusement retrouvé sa vue et sa voix. Ophélie reprit sa marche d'un pas décidé. Elle ne laisserait personne gâcher sa victoire. Elle trouva un dortoir vide à son retour au foyer. Ses camarades n'étaient pas encore rentrés. Les groupes de lecture se faisaient en alternance dans la journée entre les avant-coureurs de Pollux et les avant-coureurs d'Hélène. Les horaires des sessions pouvant varier de 6 heures du matin à 11 heures du soir, ils disposaient de leur propre dirigeable. Ophélie déplia son lit mécanique et se laissa tomber dessus, tout habillée. « Demain, » songea-t-elle en contemplant le mémorial qui brillait comme un phare derrière la moustiquaire de la fenêtre. « Demain, ce sera moi là-bas. » Sans doute s'endormit-elle sans s'en apercevoir, car quand elle rouvrit les yeux, ses camarades de division étaient là. Autour de son lit, ils n'avaient pas allumé les lampes et se tenaient tous à son chevet, recueillis et silencieux, comme s'ils assistaient à une veillée funéraire. Elle voulut aussitôt se lever, mais des dizaines de mains l'immobilisèrent sur le sommier et lui bâillonnèrent la bouche. Aucune ne lui fit mal. Les gestes étaient méthodiques, implacables. « Mes cousins ont une devinette pour toi, signorina, » murmura la voix suave de Mediana dans l'obscurité. « Qu'arrive-t-il ici à tous ceux qui reçoivent leurs ailes ?» Ses lunettes de travers, Ophélie devinait plus qu'elle ne voyait son visage. Incapable de bouger et de parler, elle était trop étonnée pour avoir peur. « Tu prêteras allégeance à Mediana, » prédirent tous les devins dans un seul et même murmure. « J'aimerais te montrer quelque chose, signorina. » Mediana venait d'allumer une lampe torche qui illumina toutes les pierres précieuses incrustées dans sa peau. Elle adressa un signe à Zen qui était resté en retrait jusqu'à présent. Son visage de poupée orientale était déformé par l'anxiété et pourtant, elle obéit sans hésitation à l'ordre silencieux. Elle ouvrit le tiroir de la table de chevet jusqu'à l'extraire du meuble. « Regarde, petite liseuse !» ordonna doucement Mediana. Les mains des devins redressèrent aussitôt Ophélie sur le lit, sans violence aucune, de façon à faire pencher sa tête sur le côté. Elle avait l'impression d'être une marionnette. Au début, elle ne vit rien d'autre qu'un fond de tiroir dont elle ne s'était jamais servie. Soudain, elle les remarqua. Des ombres minuscules, soufflées par la lumière de la lampe, ton matelas, ton uniforme et tes gants, énuméra Médiana avec un sourire un peu navré. Ce n'est pas du vol, tu vois. Ils ont toujours été là, dans ton tiroir. Ophélie leva les yeux vers Zen, qui détourna aussitôt les siens, honteuse. Oui, dit Médiana. C'est elle qui les a miniaturisés. Oh, elle n'y a pris aucun plaisir, crois-le bien. Pas plus que mes cousins ne prennent de plaisir à poser les mains sur toi en ce moment. Sais-tu pourquoi ils le font malgré tout? Parce que je le leur ai demandé. Toutes les personnes ici présentes me détestent et voient comme elles m'obéissent. Le faisceau de la lampe accentua les lignes mi-masculines, mi-féminines de sa figure éclairée, faisant d'elle à la fois une reine et un roi. Te rappelles-tu ce que je t'ai dit lors de notre première rencontre? Il y a mille façons de tourmenter quelqu'un sans lui infliger la moindre souffrance physique. Tu as fait le choix de rester parmi nous, signorina. Je vais donc t'expliquer ce qui va très exactement se passer. L'accent musical de Médiana s'était fait hypnotique. Ophélie devait admettre qu'elle avait obtenu d'elle la plus totale attention. Les dortoirs faisaient partie des rares endroits à l'abri des périscopes de surveillance et Élisabeth dormait dans une chambre individuelle à l'autre bout du foyer. Il ne faudrait compter sur aucune aide. Un seul apprenti dans cette chambre deviendra aspirant virtuose. Et ce sera moi, reprit Médiana dans un chuchotis. Je rêve d'être une avant-coureuse depuis que j'ai l'âge de prononcer ce mot. Je mourrai les ailes aux pieds. À compter de cette nuit, tu mettras tes petites mains en veilleuse. Interdiction formelle de faire des étincelles devant Lady Septima. Tu feras profil bas, tu resteras dans ton coin et tu ne chercheras à plaire qu'à un seul maître, moi. Si tu me laisses la première place, je ne serai pas ingrate, dit-elle en faisant sensuellement rouler chaque air de sa phrase. Le moment venu, lorsque je serai haut placé, je ferai de toi mon assistante. Mais je croyais c'était censé être moi, bredouilla Zen qui replaçait le tiroir. Médiana sourit sans même lui jeter un coup d'œil, son attention entièrement concentrée sur Ophélie. Le favoritisme n'est pas bien considéré à Babel. J'ai déjà promis des postes à chacun de mes cousins. Je ne vais quand même pas engager deux assistantes. L'un des devins libéra enfin la bouche d'Ophélie pour lui laisser l'occasion de donner sa réponse. Elle ne se fit pas prier. Garde Zen comme assistante. Je ne suis pas intéressée. Médiana dirigea la lumière de sa lampe torche droit dans ses lunettes. Ophélie était trop éblouie pour voir son expression, mais un froissement d'uniforme lui indiqua qu'elle était en train de bouger. Une botte ailée s'appuya en plein sur sa main au bord du lit. C'était une pression infime, absolument indolore, mais Ophélie ne pouvait pas s'y soustraire, contrainte à l'immobilité. Un geste de domination à l'état pur. « Tu n'as pas écouté mes cousins, signorina? Tu me prêteras allégeance. Répète après moi. » Je ferai tout ce que tu me demanderas. Ophélie se tut. Cette devineresse devait vraiment penser qu'elle était capable de lui faire de l'ombre pour en arriver là. En un sens, c'était plutôt flatteur. Toutefois, quand la lumière de la torche cessa de l'aveugler pour révéler le regard de Médiana, brillant de convoitise, elle commença à se sentir franchement inquiète. Retournez-la. Agissant comme un seul homme, les devins la firent basculer sur le ventre. ce fut fait sans brutalité, sans insulte, sans obscénité, et pourtant, la tête plongée de force dans l'oreiller, Ophélie avait rarement vécu quelque chose d'aussi violent. Elle eut beau se débattre, elle ne put opposer aucune résistance à ses bras qui faisaient d'elle tout ce qu'il voulait. Pourquoi ses griffes ne se déclenchaient-elles pas pour les repousser ? « Du calme !» susurra un souffle contre son oreille. « Je ne serai pas longue !» L'inquiétude se transforma en panique dans le ventre d'Ophélie, mais Diana l'avait souvent taquinée avec son pouvoir familial, mais c'était toujours resté des mots en l'air. De même que les liseurs n'avaient pas le droit de toucher des objets sans l'autorisation de leur propriétaire, les devins ne pouvaient pénétrer le passé et l'avenir de quelqu'un sans son consentement. C'était bien plus qu'une règle de savoir-vivre, c'était un tabou familial de ceux qu'on ne transgressait pas à la légère. Ce fut avec un exaspérant sentiment d'impuissance qu'Ophélie sentit une main se glisser sous son col et lui caresser la nuque. Une sensation glacée lui dévala le dos, là où s'étendaient des ramifications de la moelle épinière. Une fois par le passé, une chroniqueuse lui avait fait subir une fouille mémorielle. Ophélie s'était sentie pareille à un livre ennuyeux dont on survole rapidement les pages. Ce que lui fit endurer Médiana fut incomparable. Ophélie était envahie de l'intérieur par une présence intruse, brûlante de curiosité, désireuse d'absorber ce qu'elle possédait de plus intime. Sa vie se mit aussitôt à défiler en marche arrière sous forme d'images kaléidoscopiques, comme si un projecteur de diapositives s'était enclenché dans sa tête. Les yeux rouges d'Octavio, Élisabeth épinglant les ailes à ses bottes, le fauteuil d'Ambroise coincé entre les pavés, les cheveux coupés dans l'abri des jardins, Archibald en train de lui remettre ses faux papiers d'identité, la fuite spectaculaire par les toilettes publiques. Ce n'était pas seulement des images, c'était chaque pensée qu'elle avait conçue, chaque émotion qu'elle avait éprouvée. Ophélie mordit l'oreiller, refoulant l'invasion mémorielle de toutes ses forces, mais elle ne put empêcher l'inéluctable. Thorne finit par jaillir au détour d'un souvenir. Il lui apparut aussi clairement que si c'était hier, au milieu de sa cellule de prison, étriquée dans sa chemise trop courte, peinant à tenir debout à cause de sa jambe brisée. Face à Dieu. Ophélie revint à l'instant présent dès que Médiana relâcha sa nuque. Elle chercha péniblement son souffle contre l'oreiller, ses lunettes lui entraient dans la chair, sa chemise était trempée de sueur. « Bene, bene, bene !» « Je savais que tu étais une petite cachotière, mais alors ça, ça !» La voix de Médiana était affaiblie, comme si ce voyage dans le temps l'avait physiquement éprouvée, mais elle exultait. « Ne t'inquiète pas, signorina, ton secret... »« Tous tes secrets resteront les miens aussi longtemps que tu seras... » Une gentille fille obéissante. Personne ne saura, pas même mes cousins, ce qui t'a amené à Babel et qui tu es réellement. Tu n'as que quelques mots à prononcer. Ophélie déglutit. Elle avait la nausée. Elle aurait voulu passer le restant de ses jours enfouie dans cet oreiller, mais les devins la retournèrent vers Médiana dès que celle-ci claqua des doigts. Je t'écoute. Ophélie s'entendit répondre d'une voix minuscule, comme si elle écoutait une autre personne. « Je ferai tout ce que tu me demanderas. » Médiana lui sourit et déposa un baiser sur son front. « Grazie. Bienvenue à la bonne famille. »